Chapitre 10e. Saphir et Violette. Quelques jours après, poussé par la passion, activé encore par la jalousie, Gaston rôdait sur le soir autour de l'hôtel de Bussiardin. Il se croyait indignement trompé, mais il éprouvait une âcre volupté à savourer son malheur. Il eût été heureux de voir l'auditeur sortir au bras de la duchesse. Il y avait déjà longtemps qu'il était là, lorsque les portes de la grille donnant sur les Champs-Élysées s'ouvrirent et donnèrent passage au coupé bleu. D'Erfurt tressaillit. Il venait de voir Madame de Bussiardin. Elle était seule. Au moment où la voiture tournait pour monter l'avenue, elle s'arrêta. La jeune femme descendit et courut vers lui. « Enfin » dit-elle rayonnante. « Sortons-nous ou rentrons-nous » Gaston était désarmé. « Chez vous » répondit-il en lui pressant la main. Le coupé fut rappelé et les deux amoureux volèrent au salon. « Je n'attends personne aujourd'hui » dit la duchesse. « Mais si vous voulez, Gaston, nous irons dans mon boudoir. »« L'espace est trop grand ici. Il vaut mieux un nid plus petit, » ajouta-t-elle en souriant. Adrienne souleva une tapisserie, et Gaston se trouva dans un petit salon de 9 pieds carrés, tout parfumé et meublé avec ce goût exquis qui distingue la parisienne. Tout y était artistique et confortable. Statuettes en bronze et en marbre, terres émaillées de Zucca della Robbia, verreries de Murano, tableaux de maître, gais et charmants, fleurs exotiques, rien n'y manquait. À quelques pas du foyer se trouvaient plusieurs pots de cygne noirs bordés de roses. Adrienne entra ses petits pieds dans le duvet noir aux reflets violets et regarda avec amour le poète. « Ne sommes-nous pas mieux ici ? C'est bien vilain, vous, d'avoir été si longtemps sans me voir. Vous ne m'aimez donc plus, monsieur le poète. Si, n'est-ce pas, que tu m'aimes toujours ? Sans cela, t'aurais-je rencontré si près de l'hôtel ? Mais pourquoi n'entrais-tu pas ? Un instant de plus, et je ne t'aurais pas encore vu aujourd'hui. Tu as donc bien été occupé que tu n'es pas venu voir ton Adrienne ? Je vous ai revu depuis l'autre jour. C'était la nuit même du jour où j'étais si heureux. À 10 heures, j'étais rue du Helder. À 2 heures du matin, je vous ai vu monter en voiture, mais vous n'étiez pas seul. Vous étiez là, Gaston ? Oui, Adrienne. La jeune femme fut effrayée. Elle reconnut qu'un soupçon était entré dans l'âme de son amant. « Ah, je comprends, » fit-elle avec un accent de désespoir. « Vous avez cru que je vous trompais. »« Je n'ai rien cru, » répliqua Gaston, que la jalousie, un instant oubliée, mordait au cœur. « J'ai vu. »« Vous me croyez donc bien misérable ? Vous pensez que mes lèvres mentaient lorsque 4 heures auparavant, elle vous disait que je vous aimais ? Vous avez pensé que je venais vous tromper lorsque, ivre du bonheur de me savoir aimé, j'allais chez mon ami lui faire part de ma joie ? Je n'ai donc pas été assez cruellement trompé quand j'ai vu que celle à qui je donnais le nom sacré d'ami me faisait venir chez elle dans l'unique but de me faire trouver en tête à tête avec un homme que je méprise trop pour le haïr. Monsieur de Chénois ? Oui, Gaston, celui que vous avez pris pour un rival. Gaston, non, vous ne m'aimerez plus, vous en avez le droit, mais vous ne me mépriserez pas. Ce serait trop dur à mon pauvre cœur. Votre ami, monsieur de Narsac, vous dire avec quelle joie je suis allé chez la baronne. Narsac, il y était ? Oui, Gaston, et c'est lui qui me justifiera. Il vous dira combien je vous aime. Adrienne fondit en larmes. Quoi croire ? S'écria d'Erfurt en la prenant dans ses bras. Adrienne, mon ami, vous savez bien que je ne puis pas ne pas vous aimer. Je crois tout ce que vous me dites, mais pardonnez-moi, j'étais si malheureux. On est venu me dire que vous alliez souper chez la baronne et que de Chénois y serait. Je n'ai point voulu y ajouter foi, mais j'y suis allé et mes yeux m'ont trompé. Pardonne-moi, Adrienne, mon ange, je t'aime plus que jamais, je t'adore. On a voulu nous séparer, me tromper. Il est si facile d'alarmer un cœur qui aime. Adrienne, reviens à toi. Il sentait la jeune femme s'affaisser sur le bras dont il entourait sa taille. Adrienne, Adrienne, parle. Dis-moi que tu me pardonnes. Je t'adore plus que jamais, Adrienne, ma chère âme. » La duchesse demeura quelques minutes sans connaissance. Ces quelques minutes furent un siècle pour Gaston, dont le visage perlait de sueur. Il n'osait appeler. Il délassa le corsage qui empêchait l'air d'arriver, et il couvrit de baisers cette gorge blanche et moite qu'il voyait pour la première fois. L'évanouissement ne cessait pas. Il allait appeler quand Adrienne ouvrit ses beaux yeux. Elle s'empara de la main de Gaston, la mit sur son cœur. « J'ai fait un mauvais rêve, n'est-ce pas ? » lui murmura-t-elle en souriant. « Mais ce n'était qu'un rêve. Gaston, qu'avez-vous fait ? fit-elle en voyant sa gorge à nu. « Je t'ai rappelé la vie, mon ange. Aurais-je mieux fait d'appeler ? Non. Au surplus, que m'importe qu'on sache que je t'aime. Mais tu m'as bien fait souffrir tout à l'heure. Tu ne crois plus rien, n'est-ce pas ? Oui, je puis réciter le credo de l'amour. » Avec un geste inouï pour l'état de faiblesse dans lequel elle se trouvait, elle se leva et étreignit Gaston dans ses bras. « Aimons-nous, car je n'ai personne au monde. Toutes les femmes que je croyais mes amies cherchent à me perdre. Je n'ai plus que ton cœur, ou mon Gaston, où je puisse me réfugier. Mais l'abri est si bon que je n'en veux point d'autre. Vous autres hommes, vous êtes encore heureux, vous avez des amis, et toi, tu n'as un qui t'aime. » « Lequel ? » dit amèrement Gaston. « Mais celui à qui j'ai parlé de toi, qui sait que je t'aime et qui me fait ton éloge, monsieur de Narsac. Lui, Adrienne, il n'est pas mon ami. S'il l'eût été, en m'annonçant que tu allais souper, il eût ajouté qu'il y serait. Mais au contraire, il a cherché à m'infiltrer la jalousie dans le cœur. C'est lui qui m'a dit que... Non, Adrienne, cet ami est un espion de madame de Neuburg. » Adrienne éprouvait de nouveau les mêmes symptômes qu'à l'instant d'avant. « Et que me font à moi les amis, Adrienne ? N'es-tu pas tout pour moi ? N'es-tu pas le monde entier ? Que m'importe leur amitié ? Je veux qu'ils soient jaloux de mon bonheur. »« Cher amour, ton bonheur, » dit avec douleur Adrienne, « il ne sera jamais complet pour toi. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas libre. » »« L'amour n'est-il pas plus fort que tout ? C'est sur cet amour sacré pour moi que tu m'as fait connaître que je te jure que je n'ai jamais failli. » J'étais sur le point de succomber quand je t'ai vu pour la première fois. Lorsque la Providence te mit sur mon chemin, j'allais à un rendez-vous. Je t'ai vu, j'ai tout rompu, j'ai senti qu'il se passait en moi quelque chose d'étrange. Depuis, mes yeux t'ont toujours cherché, toi, dont l'image occupait déjà mon cœur. Sans toi, Gaston, cet homme, dont je ne veux plus prononcer le nom et que je hais, cet homme avec lequel tu m'as vu, eût été mon amant. Que veux-tu ? Je m'ennuyais dans ce monde de plaisir, j'étais folle. Souffre donc que je ne tâche pas cet amour si sacré pour moi. Permets que je ne l'offense en rien. Cet amour, au nom duquel tu m'as prié d'être pour toi plus que ta sœur, pourquoi le flétrir ? Pourquoi ternir mon bonheur, Gaston ? C'est parce que je t'aime, c'est parce que je t'adore, que je ne veux pas être méprisé de toi. Avant de t'avoir vu, je pensais bien peu à Dieu, je ne priais plus. Depuis que mon cœur elle tient, je sens un besoin invincible de dire matin et soir ton nom dans une prière. Oui, Gaston, je serai ta sœur, mais une sœur amante. Je ne serai jamais qu'à toi. » Gaston soupira. « Je te devine, » ajouta-t-elle, « rassure-toi. Je n'ai jamais été pour lui qu'une sœur. Je suis pure comme au jour où je suis sortie des bras de ma mère. Gaston, je puis être ta fiancée. » La duchesse tira de son doigt un superbe saphir entouré de 8 étincelles en brillant, et il le remit à son amant. « Voici notre alliance, » dit-elle. Puis elle présenta ses lèvres de fraise sur lesquelles Gaston cueillit un long baiser, long comme l'éternité, cette véritable alliance des amoureux. Adrienne avait repris toute sa sérénité. « On n'aura plus de vilaines pensées, » fit-elle en se suspendant au bras de Gaston et en marchant dans le boudoir. « Puis on viendra me voir, souvent, tous les jours. » « Adrienne, est-ce qu'on peut vivre loin de toi ? Vous allez donc, monsieur le poète, commencer à dîner avec moi. Tous deux, seuls, en tête à tête. Nous dînerons dans la petite salle proche de ma chambre à coucher. Bah, je t'aimerai toujours de loin ou de près, » murmura Gaston quand la duchesse sortit du boudoir. Lorsqu'elle rentra, elle trouva son amant qui examinait avec la curiosité d'un enfant les magnificences de son délicieux appartement. C'étaient des tableaux d'Hogarth, d'Holbein, de Reynolds, des Pradier, des Clodion, et au moment où elle rentrait, Gaston mettait la main sur un petit livre magnifiquement relié en maroquin du Levant et aux armoiries de la duchesse. « Curieux !» dit la jeune femme en rougissant. Gaston ouvrit le livre. « Mes poésies !» s'écria-t-il, stupéfié. « Ce sont mes heures à moi, » répondit Adrienne. La soirée fut une soirée de douces émotions, d'épanchement sincère. Ni Gaston ni Adrienne ne désiraient rien de plus. Il était tard quand le poète sortit de l'hôtel. « Voici le monsieur pour de bon, » murmura la camériste de la duchesse en le reconduisant. Le lendemain et les jours suivants, Gaston revint et passa une grande partie des heures de la journée avec Adrienne, qui, de son côté, ne se lassait pas de le voir. Elle exigea de Gaston qu'il lui racontât toute sa vie de déception. Le vendredi suivant, Gaston ne parut pas. La journée sembla atrocement longue à ce cœur aimant. Le samedi passa de même. Le dimanche matin, au moment où Adrienne allait à la messe, une petite bouquetière, coquettement mise, vint lui offrir des bouquets. Comme elle insistait en lui en présentant un, Adrienne remarqua un saphir à son doigt. C'était le même qu'elle avait donné à Gaston. « Qui vous a donné cet anneau ? » demanda-t-elle en tremblant à la jeune fille. « Un jeune homme, madame. »« Il vous aime donc bien ?»« Oui, madame. »« C'est votre amant ?» La bouquetière baissa la tête. « Prenez garde, » reprit amicalement la duchesse. « Les cadeaux ont perdu tant de jeunes filles. »« Il m'aime tant. »« Est-ce un jeune homme de haute maison ? » ?»« Son nom ?» balbutia la duchesse, tremblant de tous ses membres. « C'est un jeune poète, » répondit fièrement la jeune fille. « Vous l'appelez Gaston d'Erfurt. » « Voici pour votre bouquet, » fit la duchesse, en lui donnant un louis. Adrienne rentra pâle comme une morte et se soutenant à peine.